C'est chaud. C'est l'été. Hey, moi, je m'ennuie de la neige, là. Pas peut-être pas à ce point-là, ah, non, mais moi, l'été, je trouve ça dur. Quand c'est trop humide, là, puis qu'on se colle, tu sais, que ça colle, puis c'est humide, puis que tu sais, la grosse... Ça colle, ça soigne. C'est parce que la grosse peau qui enfle, puis la rétention d'eau, mon Dieu, que ça me dégoûte. Mais le corps québécois est pas fait... Et pas programmé pour endurer un humidex comme on a. Puis là, avec tout beaucoup. Ce qui... C'est beaucoup. Moi, je suis fait pour marcher. Moi, par exemple, là, si je veux pas ramener ça à moi, mais moi, je suis fait pour marcher dans le bois l'hiver. Une pile ah nue. Oui, l'hiver. Moi, j'aime bien qu'il y ait quatre saisons. Mais j'aime bien... J'aime pas... J'ai de la misère avec l'hiver extrême puis l'été extrême. J'aime bien les demi-saisons. Mais là, comme on est l'été puis qu'on soigne puis que le monde pue des fois, ouais, là, c'est pas agréable. Ben, une petite touche d'hiver. Tu sais, un petit flocon. C'est le plus beau jour de ma vie, avec Marc Labrèche et Anne Dorval, une émission signée Francis Legault. À l'ombre de ce majestueux érable qui a vu défiler tant de générations d'enfants, le mercure du vieux thermomètre Coca-Cola chatouille les 33 degrés. 33 degrés. Derrière les persiennes en bois, le salon est plongé dans la pénombre et l'humidité. Les verres de Chablis sont tièdes. Quasi immobiles, Anne et Marc rêvent de Noël blanc. Moi, j'aime bien. J'aime Noël, en fait, depuis que j'ai des enfants. J'aimais Noël quand j'étais petite. Mm-hmm. Puis après ça, il y a un bout de pas de saucisse. Là, je trouvais ça un peu plate. Puis quand j'ai eu des enfants, puis qu'ils ont vu leur premier sapin, puis qu'ils ont commencé à mettre des petites décorations Noël juste dans le bas du sapin. Fait qu'il y avait juste le bas du sapin qui était décoré, finalement, parce que c'était la magie de Noël. On disait, les petits-enfants, ils vont le décorer. Et tout ce qu'ils pouvaient atteindre, c'est les dernières. Qu'est-ce que tu veux faire? Sûr. Fait qu'on les laissait là, toujours avec des petites décorations en plastique. Après ça, il y a eu la maternelle. Ils faisaient des petites décorations maison. Oui, les petites étoiles. Moi, j'ai encore l'étoile de mon petit garçon qui avait fait à la maternelle et je le mets encore sur mon sapin. Oui. Elle est en papier d'aluminium. Elle est en carton, elle est à moitié déchirée. Mais tu l'enveloppes dans du papier de soie ou dans un Tupperware que tu laisses dans le garage? Non, même pas. Non, mais je le mets dans des boîtes. Tu l'as collé à côté de la machine à café? Non. Non, je le mets avec mes autres belles boules. J'ai des très belles boules. Toi, tu as toujours eu des belles boules. J'en ai des petites puis j'en ai des grosses. Oui. J'adore faire des sapins. Ben, j'ai plusieurs sets de boules. Mm-hmm. J'ai déjà une première batch de boules qui était plus dans des formes très différentes, très allongées, très rondes, très de toutes les formes, mais argent. Comme avec des petites étoiles dessus. Argent. C'est comme Dynastie, c'est comme Non, même pas. C'est pas Kétan comme ça. Non. C'est comme des répliques de vieilles boules victoriennes. Ah, les vieilles boules victoriennes. Oui. On s'ennuie-tu de nos vieilles boules victoriennes? Ben, oui, puis moi, j'ai pogné une batch. Tout acheté. Genre, j'ai pogné une vente à un moment donné. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas me traiter de gibette? Non, j'aime bien les ventes après Noël parce qu'il y a souvent des jolies boules qui sont pas abordables. Non. On peut pas s'offrir ces boules-là n'importe quand. En septembre, rare. En octobre. Fait que moi, j'attends un petit peu. Le 26 décembre, 27 décembre, les gens sont calmés. Puis là, c'est la ruée vers la boule. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les grosseurs, de toutes les formes. Puis là, c'est la joie. Et c'est ça. J'ai un premier set de boules comme ça, des boules victoriennes. Et un Noël, je me suis ramassée à New York. Je suis allée à la boutique du MoMA. Le MoMA. Tu sais comment on aime ça, le Musée d'art moderne à New York. Ben oui. Puis là, il y avait une belle vente de boules. Ben oui. Mais je te dis pas, des boules design, mais des boules classiques en comment même temps. Des boules design, des boules de couleur design. Okay. Des couleurs très, très acidulées. Regarde, je vais te les montrer. J'en ai des juste boules? Ici. Ben, tu traînes tes boules? Regarde, ben voyons donc. Beau. Ah, ça, ben c'est oui, les boules mais ça, du c'est MoMA. Vraiment ça, c'est boules. Les petites boules. C'est les petites boules du mais MoMA. Mais j'ai les pareilles en gros format. Des belles, grosses boules dodues, là, qui te sautent d'en face. Des grosses boules. Ben moi, j'aime ça, des grosses boules. Puis qui shake, puis tout, là. Oui. Ben oui, puis qui flappe. Même pas dans ce sens-là, parce qu'il faut pas les abîmer. Non, mais c'est pas des ça. Des boules fragiles, quand même, hein? Ça casse à rien, ces boules-là. Ben c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Regardez, mais pas toucher. Oui, enlève ta main. Non, touche pas à ça. Touche pas ma boule. Chaque boule est une émotion. Touche ma boule. Touche pas ma boule. Ma boule. Touche ma boule. Touche pas ma boule. Mais je parle anglais. Mais tu parles très bien anglais. Touche ma boule. Lâche ma boule. Ça veut dire, par exemple, tu rencontres un victorien, tu lui dis. Here's my ball. Don't touch my ball. Don't touch it. My ball is my ball. My ball is mine. Is not yours. Don't touch it. Shut up in your face. Bawling. Yeah. Gross ball. Happy Christmas. Hey, on fait-tu? On s'en fait-tu un? Un Noël? Ben, tiens qu'à... On est entre nous. Peu, on est entre hey, nous. On peut-tu faire plaisir? Ben oui. La vie est tellement courte. Ben oui. Bon, faisons ça. Ben oui, Noël, juillet. On n'est pas les seuls à faire ça. Non. Plein de nudistes qui font ça. Des... Des Noëls des Noëls de tout nu. Oh, petit trou, s'en va le cheval avec ses grelots. Et le traîneau joyeusement va à travers les coups. Ma voix des vallées. Dans le vallon s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire un tour en terre comme des amoureux. Allez hop, allez hop, allez hop, ohé, du traîneau. Emmitouflez-vous bien dans vos manteaux. Allez hop, allez hop, ohé, pour se tenir chaud. Attention, l'un contre l'autre, on se blottit comme des oiseaux dans un nid. C'est merveilleux de voir des filons dans un décorpin. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois je crie car ça penche un peu, c'est l'instant des froids. Toi tu souris, j'ai le cœur amoureux et le goût du défroi. Là, j'ai déjà pris le chemin du retour. Nous allons être surpris par la tombée du jour. Je me fais près de toi, le rire aux yeux, le cœur content. Près du grand feu de bois qui flambe et nous attend. Petit tonton, avec ses grelots, et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Tout le monde en rouge, on s'emporte dans le vallon, s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire un tour grand air comme des amoureux. Tout le monde ensemble sur la 10. Olli hop, olli hop, olli hop, ohé, ohé du traîneau. Emmitouflez-vous bien dans vos manteaux. Ok, je vais entendre des gens sur la 15. Olli hop, olli hop, olli hop, ohé, pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme des oiseaux dans un nid. C'est merveilleux de voir des filants comme des corps. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois je crie car ça fauche un peu, c'est l'instant d'effroi. Toi tu souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. Toi tu souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. Yeah! Oh, c'est bon ça! C'est très le fun ça, bravo! Bravo! Moi, je vais accorder ma guitare. OK. Je vais accorder ma basse. Ouais. Je vais accorder ma voix. Moi, je vais chercher mon octave, là, puis à un moment donné, je vais me brancher. Mais on pourrait... Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on pourrait chanter avec du monde aussi. Peut-être ça pourrait nous aider. Oh! Éventuellement. Faudrait aller, je sais pas quoi, chercher des gens dans la rue, appeler Chorale Secours. On peut, je sais pas... Oh, 9-1, Chorale. Ça, c'est 9-1, Chorale Secours. Et si seulement le réparateur de climatiseur était passé. Toujours prêts à repousser leurs propres limites, Anne et Marc jonglent avec l'idée de célébrer le Noël du campeur. Ils en discutent avec Jean-Noël, un grand connaisseur de la question. On est face à face avec Jean-Noël. Jean-Noël! Qui est né le 25 décembre. En plein ça. Qui est né le 25 décembre. Mais Jean-Noël, d'abord, Jean-Noël, vous, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, j'adore le « vous », là, oui. Mais là, c'est Noël. Est-ce qu'on peut... Oui. Alors, Jean-Noël, toi, tu es propriétaire d'un camping. Où on fait le Noël du campeur? Oui. Moi, je suis propriétaire à Québec, dans la région de Québec. OK. Et j'ai Comment s'appelle le ton Le domaine de l'Arc-en-Ciel. Le domaine de l'Arc-en-Ciel. C'est un camping privé. OK. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour hommes seulement. Ah, c'est un camping gay. Gay. OK, pour hommes seulement. Oui. OK. On aime les filles, là, il n'y a pas de problème. Oui, non, regarde, non, on vient de fêter la fête des pères, puis les familles étaient là avec nous autres. Ah bon? OK. Oui. Fait que les filles ont le droit d'aller camper quand même. Occasionnellement, deux fois par année. OK, à la fête des pères, puis... Et la familiale. Il y a une fête familiale. On a une fête familiale au mois de septembre. OK. Est-ce qu'on peut juste être un gars ou il faut être un gars gay? Il faut être absolument gay. Tu serais bien surpris de voir ceux qui rentrent chez nous. Oui, mais c'est peut-être parce qu'ils sont des gays refoulés. Peut-être qu'ils C'est ça. On a les curieux. Mais ils sont gays. Oui. Sauf qu'ils ne sont pas sortis du placard, disons. C'est ça. Puis la femme est bienvenue, donc. Oui. Fait que, mettons que nous, on veut y aller à titre d'observateur. Tu sais, comme... Comme à l'ONU, là, quand ils envoient des vedettes. Là. C'est ça. Bon. Moi, j'ai un restaurant. Fait que la madame, elle reste en avant, il offre un café. Ah! Et le gars, il doit aller se voyons donc. Et oui, tu vrai? J'ai comme deux ongles. Un peu. Peut-être ton café, puis Marie, couche-toi là. Mais donc, c'est comme. Faudrait qu'Anne aille des favoris ou quelque chose. Ouais. Mais. Ben, non, on fait pas ça. On met des chaps. Ben non. Tu mets des chaps. Oh, parce qu'il y en a qui viennent avec des chaps aussi, oui. Avec des pagnes et des chaps. Oui, oui, oui. Parce que oui, c'est oui. L'été, puis... Ils sont courbés. Il y a des fesses en masse, parce que j'ai deux sections, moi. Ah, vous avez deux sections. Oui. Racontez-moi. Vous la avez une section première section. Billet pour ceux qui sont un petit peu plus scrupuleux. Oui. Et la section naturiste. Ben, voyons en donc. C'est pour ça qu'on ne fait pas rentrer les femmes, parce qu'il y aurait trop de maris peut-être jaloux. Hein? Ben, il y c'est avait que... des surprises. Ah oui, mais... Ah, ben, c'est sûr que là, via le naturisme, on peut décoder assez vite vers qui ouais. Le regard est attiré pour une en reconnaissance personnelle, ah, oui, oui, oui, une manifestation. Oui. C'est ça. C'est parce que Anne puis moi, on se cherche un... Mais là, je ne savais pas que c'était... En même temps, je trouve ça fascinant, là, je veux dire, c'est une culture, là, le camping gay. Il y en a beaucoup de camping gay. Non, il y en a seulement quatre au Québec. Ah okay. Bon? Et je suis le seul dans l'Est du Québec. OK. Est-ce que chaque camping gay a sa petite section naturiste de tout nu? Oui. Ah, tout le monde? Tous les camping gays ont deux sections? Il y a des endroits qu'il y a un camping en précision. Là, lui, il est ouvert juste à largeur. Ouais. À largeur, je veux dire. On a comme à flambette, là. Tout le monde est flambette. Vas-y, là, on a puis les larges, ils font la split, puis ils sont flambettes. Oui, c'est ça. Mais dans le vôtre, là, est-ce que ça arrive que ceux qui ne veulent pas aller du côté naturiste, c'est pour espionner ceux qui sont tout nus, qui vont se cacher dans le buisson, puis avec des jumelles? Ils n'ont pas besoin de mettre les jumelles. Ah oui, parce que ceux qui sont tout nus, eux autres sont bien membrés, puis ils veulent se faire connaître. T'as appelé ça. Ils veulent faire un appel à tous, puis girlou, puis viens voir mon pendentif royal de Noël. Ça. Oui, oui, il y en a des royales. Oh, mon Dieu! Vous avez ben ça? Là, hey, mon Dieu, tu mets-tu des décorations? Il va y avoir des jaloux tantôt. Parce que vous faites ça. Le Noël du campeur, vraiment, oui. À chaque année. Oui. Est-ce qu'ils se déguisent le triangle des Bermudes? Est-ce qu'ils se déguisent la boule? Moment, j'ai des très bons clients. Hein? Oui, oui, on oui, fait oui. Des farces. Des habitués. Ben oui. Mais j'ai des bons habitués. Et j'ai un club social. Vous avez un club social, en plus. J'ai un club social. C'est eux autres qui s'occupent beaucoup des loisirs. Ah, OK, pardon. Et non, les tout-nus aussi vont s'en occuper. Non, bon, OK. Tout le monde s'occupe de tout le monde, finalement. Les cloches de Noël sont bien décorées. Oh, mon Dieu! Hey, ben non, OK, c'est ben non, mais ça, c'est clair. Tout le monde, il y a beaucoup d'entraide. Oui, oui, oui, oui. Votre Noël, il dure combien de temps? Une journée? Non, il dure comme 2 à 3 jours. Oh, quand même. OK, ouais. C'est la on fait vendredi, une fin de semaine complète. Avez-vous un Père Noël? Oui. Il est tout nu? Oui, oui. Il est habillé? Oui. Non, chapeau, le Père Noël, on l'habille, par exemple. Ah, oui, l'habille? OK. Oui, oui, l'habille oui. En chaps avec des ouais, fesses à l'air? Ou... Non, mais donc, on représente... Il y en a quand même, chaque dans la période de Noël, ouais. Comme on dit, toutes les activités qui ont passé sur le terrain, en fait, durant la saison, est représentée par des campeurs, si tu veux, qui vont mettre le thème de chaque individu. Ce qui veut dire les gars de cuir ou les popés. Les popés, c'est... Les popés. C'est les popés, c'est ah, les petits chiens, les ouais. Gars qui veulent vivre le trip d'être popé. En laisse. En laisse. Ouais. Ah, OK. Ou avec le masque popé. Il y a un masque popé. Ouais, oui, oui. Oh, c'est dommage, je t'avais envoyé de des photos. Ben, oui. Non, mais ben, en même temps, l'image est claire. Oui. Ça va bien, oui. Jean-Noël, on voit bien. Et puis, c'est ça, ils sont sur un char d'allégorique. Dans ah, les il y a des chars allégoriques. Oui. Il y a des chars allégoriques dans oui. Le camping. Oui. Mais bon, c'est un gros camping. Y a-t-il une rue principale? On a trois... J'ai trois rues en avant, j'en ai trois autres en arrière. Fait que, oh, quand même, OK. Sections, puis ouais. Les tout-nus sont dans les trois rues en arrière. Oui, ah, ça. Dans le bosque. Parce qu'eux autres, ils ont un mille encore pour se promener sur le terrain, là. Ils peuvent aller d'un petit boisé, puis... Ah, puis c'est ça, fait qu'il y a leur avec les, découvrir l'arbre à puce. Ah oui, il y a tout ça, par exemple. Ah, oui, oui, ça, hein? C'est, comme, c'est ouais. Toujours mieux de garder ses chaps, malgré tout. Ouais. Là, ben. Ouais. Puis, donc, vous avez un Père Noël qui lui est habillé, qui lui distribue des cadeaux. Qu'est-ce qu'il donne? Disons que... Il fait-tu des choses? Fait-tu... Bon, disons, il écoute, souvent, il y a des dons des marchands du coin. Oh, comme des fromagers ou des... Ah, on a les pharmacies du coin, les boutiques. Puis votre Père Noël, il a l'air de quoi? Les Pères Noël, écoute, il y a une année, j'en ai eu un noir. OK. Un autre, un beau Père Noël noir, c'est rare, hein? Yeah, celui qu'on appelle the Big Black ouais. Christmas. C'est ça. Puis les autres, des Pères Noël normales. Avec là, une disons. Petite peau plus épaisse. C'est ça, avec la mère Noël, puis elle fait des étoiles. La mère Noël. Oui. Mais la mère Noël, c'est un garçon. C'est tous des gars. Ah oui, c'est puis ça. Les petites fées des étoiles, c'est toutes des gars. Les petites fées des étoiles, les plus petits. Ah, les plus petits. OK, oui. Parce qu'il n'y a pas des... Les moins grands. Okay. Mm-hmm. On fait la petite fée des étoiles en avant. Comment vous les choisissez? Il y en a qui sont bien contents. C'est vous qui les choisissez? Non, c'est eux autres qui choisissent. Ils choisissent entre eux. Ils se castent eux-mêmes. Oui, c'est ça. Puis ils arrivent avec leur costume, puis... Mais est-ce qu'il y a un concours? Je ne comprends pas. Ils se castent eux-mêmes parce qu'ils sont quand même une gang là dans ce camping-là. Ils ne peuvent pas choisir... S'il y en a deux qui veulent faire le Père Noël, cette année-là, ils vont-tu se battre? Deux. C'est arrivé. Deux Pères Noël. Deux Pères Noël, puis qui ont fait des étoiles. C'est la fête, là. T'sais. Oui, c'est le parti. Ben oui, puis il y a trois, six, sept poppies, là. Puis les poppies, ils savent que le Père Noël n'existe pas, là. On le sait que le Père Noël n'existe pas. Okay. On le dira pas aux enfants, mais on sait que c'est. OK, non, c'est sûr. Non, ça, on est entre nous. Mais ça contient combien, votre... Ben, ça doit être quelque chose à gérer, ça, une gang de Père Noël de même. Qui fait des étoiles. C'est quand même... J'ai 150 terrains. OK. Donc, ça peut 200 personnes, 250 personnes. Oui, 200. Puis est-ce que c'est des guides disciplinés? J'ai vraiment pas de problème. Vous avez une bonne clientèle. Il faut que tu tiennes les guides. Parce que c'est facile quand t'es dénudé, hein, de te laisser aller. Ça, je me dis à chaque fois. Il faut que tu aies des bons éléments. La chair est faible, hein? Voilà. On a beaucoup de plaisir. Ah oui, c'est fait ça. On a un carnaval de Rio. Oui. Ah oui, ça va vous aimer fêter. Ouais. Il y a Noël au mois de juillet, puis après ça, le carnaval de Rio. À toutes les fins de semaine, il y a des activités. OK, puis il y a toujours un thème... Il y a des thèmes à tous les fins de semaine. Puis là, mettons... Des pièces de théâtre ou des choses. Ah oui, qu'est-ce qu'ils jouent comme théâtre? Écoute, on a fait Notre-Dame de Paris, à un moment donné. Vous avez fait Notre-Dame de Paris? Oui. Ah oui, chanter puis tout ça, oui, évidemment. Oui, bien, lip-sync, disons. Ah, OK, sur la voix de Garou. Oui, c'est ça. En Chaps, qui... OK. Oui. OK, qui faisait Quasimodo. Dans les spectacles, c'est tout du lip-sync. Okay. C'est assez rare qu'ils vont avoir des qu'ils vont chanter là, okay, avec le voix. Il y en a quelques-uns, mais c'est plus le lip-sync. Oui, bien, généralement, c'est mieux. C'est plus payant de lip-sync. Oui. Puis, y a-tu des soirées médiévales? Médiévales? Ouais. Vous n'avez pas de combat? Ça pourrait être une idée. Oui, c'est ça. Ouais, moi, je m'ennuie des épées de mousse. Là. Ah, y a les... Ils sont molles. Pas celles qui sont... non, tout à fait. Tu mets de la mousse autour d'un manche à balai. De la mousse autour d'un manche à balai. Ça fait comme une épée de mousse. Alors, Marc, on va t'inviter. Non, mais écoute, Jean-Noël, tu prendras des photos que tu m'as donné. Moi, je ne peux pas y aller. Moi, je n'ai pas des grosses boules non plus. Je pourrais passer pour un petit garçon, des fois. Tu pourrais être le petit orphelin. Mais tu pourrais y aller seul aussi, prendre des photos et me les envoyer. Non, c'est parce que je. Tu pourrais se cacher dans un buisson, ni vu ni connu. C'est trois mètres. Une perruque sur la tête, là, puis j'ai l'air de. L'endorné, c'est mort, là. J'ai l'air de. Non, mais c'est une petite perruque, tu sais, une petite perruque. Un petit peu de droite, là. Oui, un petit page de la Renaissance, pour avoir l'air de ça. Oui, tu sais. Un petit page de la Renaissance. Avez-vous des soirées Renaissance? Renaissance. Oh, Jean Bottici. Non. Non. Mais ça, tu vois, la soirée médiévale. Mm-hmm. Ou la fin de semaine médiévale avec des batailles, comme à Bicolline. Okay. Là, il faut vraiment qu'il y ait deux armées. Puis là, il faut vraiment, comme, vous ne vous lavez pas pendant une semaine. Oh, tu connais bien ça, Marc. Ben, moi, j'ai été reconduire mon fils à Bicolline. Oui, à Shawinigan. Puis je... Ah oui. Puis aller le reconduire, tout ça, c'est parfait. C'est les ramener quand ils ne sont pas là. Je donnais un lift à ses amis. Beaucoup de monde qui pue dans le même char. Oui, fait que ça prend une décapotable. Parce que quand tu ramènes les quatre qui dorment, parce qu'ils n'ont pas dormi de la semaine, puis c'est ça. Puis ils sentent l'hydromel et toutes sortes de choses. Puis là, ils sont lavés dans la petite chute, là. Il y a une petite rivière petite chute avec un petit courant fort, mais ça décrase pas tout. T'as beau tourner, ça décrase pas complètement. Ça sent le fond du chaudron. Mais c'est ça, puis tu te laves avec du suie de porc. Mais ça me dégoûte ce que tu dis. Non, mais c'est intéressant. Puis il y a la grande bataille du dimanche, où là... C'est pas une bonne idée de faire ça avec les tout nus à côté, là. Faites-vous des combats dans des grandes cuves de Jello? Non, il n'y a pas eu ça. Ah, pas eu ça. Tu me donnes des bonnes idées. Un grand fût de Jello, là. idéalement rouge. Celui aux cerises, là. Ça... Ah, pour Noël, ça... Ben, ça, rouge, c'est ça, c'est à la lime de l'autre côté, rouge oui. et vert, ça, ça le dit. Ça, c'est le fun. Ça, c'est agréable. On va penser à ça. OK. Bon. Eh bien, merci. Hey, merci, Jean-Noël. Hein. Jean-Noël. Merci. Bravo pour tout, puis bon Noël. Joyeux Noël. Ben, c'était oui. très agréable. Moi, j'ai n'ai qu'une envie, me mettre une perruque sur la tête, puis... Puis aller voir un petit peu. Ben, tu sais, pouf, pouf. Elle, c'est les boules de Noël que je veux voir. Oh, mon Dieu, elle prête des intentions, moi. Non, moi, je veux juste voir le défilé du Père Noël avec, oui, oui. avec la fille des étoiles et quelques poppies. Oui, avec des beaux petits poppies. Mais oui, j'ai toujours aimé des petits bébés animaux. Coucou! Tu as marché avec maman? Tu avec maman! Ah! Le film La Mélodie du Bonheur a toujours donné des ailes à Anne. Cet après-midi, ses élèves de l'école nationale sont venus lui rendre visite. Allez tout le monde, venez par ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons préparer une chanson de bienvenue pour la baronne. Père n'aime pas que nous chantions. Nous pourrons peut-être le faire changer d'avis. Alors, quelle chanson connaissez-vous? On ne connaît pas de chanson. Pas une seule? Nous ne savons même pas chanter. Non! Eh bien, il n'y a pas un instant à perdre, il faut apprendre. Mais comment? Il n'est qu'une bonne méthode, c'est prendre le bon départ. Pour lire, nous partons de A, B, C. Pour chanter, commençons par Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. Les premières notes, mes petits amis. Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais voyons, comment simplifier tout ça? Do, le do, il a bon dos. Ré, rayon de soleil d'or. Mi, c'est la moitié d'un tout. Fa, c'est facile à chanter. Sol, la terre où vous marchez. La, l'endroit où vous allez. Si, c'est siffler comme un merle. Et maintenant, on revient à do. Oh, oh, oh. Do, le do, il a bon dos. Ré, rayon de soleil d'or. Mi, c'est la moitié d'un tout. Fa, c'est facile à chanter. Sol, la terre où vous marchez. La, l'endroit où vous allez. Si, c'est siffler comme un merle. Ce qui fasse la cito, sol, do. Fraulein, je me suis mal conduit. Je vous fais mes excuses. Mes mots dépassent ma pensée. C'est un de mes pires travers. Non, oh, vous avez raison. Je ne sais rien de mes enfants. Il est encore temps d'y remédier, capitaine. Il souhaiterait tellement être proche de vous. Oh, vous avez ramené la musique dans cette maison. J'avais oublié, Fraulein. Je veux que vous restiez. Je vous serai gré de rester. Corinne que j'aime, vous chantez au monde des airs qu'autrefois j'entendais chez moi. Ces airs du passé forment une ronde. Mon cœur qui s'irise, mon cœur se voudrait un léger soupir emporté par la brise, mon cœur voudrait rire comme un clair. Alors, j'arrive avec des petits sandwichs, pas de croûte. On voulait vous. Hey, Marc, je vais te présenter. Mais oui, mais c'est toutes les jeunes. C'est mes expulsé. Enfants, c'est mes étudiants. Ah, c'est tes étudiants. Mes étudiants à l'École nationale de théâtre. Ils sont extraordinaires. Ils sont en troisième année, ils s'en vont en quatrième année. Je sais, ça me bouge. Il y a Rodley, Philogène Pitt, Marc Labrèche. Bonjour, enchanté. Rachel Bessette. Oh, bonjour, Labrèche. Rachel, la fameuse Rachel. Jérémy Brassard. Le fameux. Ben Jérémy oui. Brassard dans Tout le monde. Et puis Gabriel Favreau. Ah, Gabriel Favreau. C'est toi, Gabriel. Ben oui. Okay. Puis lui, c'est Jérémy, puis elle, c'est Rachel, puis lui, c'est Rodley. Un réveillon de Noël ne serait pas complet sans une ou deux bonnes recettes d'antan. Moi, je suis tombée sur un livre qui parle de cannibalisme. Ah oui? Non, mais... Tu sais, pendant le... Pendant la ruée vers la Californie, tout ça, au 19e siècle, le convoi à Donner, ça dit-tu quelque chose, ça? Non, ça me dit rien. Regarde, en 1846, il y a... je vais te lire ce qui est écrit sur le livre. C'est... Non, mais c'est quelque chose. Comme tant d'autres familles américaines, Franklin et Elizabeth Graves et leurs 9 enfants prennent la route de la Californie. Ouais. C'est la ruée vers l'ouest, la terre promise, parce que tout le monde crevait de faim. Mm-hmm. Ces gens ordinaires vont devenir les héros d'une histoire extraordinaire. Aujourd'hui enseignée dans les écoles américaines, le Donner Party, le convoi Donner. OK. Le nom du convoi qu'ils ont rejoint. Avec les autres migrants, les Graves vont vivre une aventure tragique. Partis trop tard d'Illinois, pris au piège d'un raccourci différent de l'itinéraire connu, confrontés au froid et à la faim dans la Sierra Nevada enneigée, ils vont vivre l'expérience la plus abominable qui soit pour l'homme. Transgresser le plus inviolable des tabous, voilà ce à quoi vont devoir se résoudre ces êtres désespérés. Ils vont se manger. Ben oui, je comprends, je te voyais venir. Hein? Oui, je sais. Et, il et se cette mange femme dans la famille. Il a, ben la... écoute, c'est le père. Le père, écoute, je vais te lire un chapitre qui s'intitule « Mangez-moi ». Tout simplement. Juste avant que tu commences, je sais que il y a eu ce... T'as lu Les Survivants, toi? T'es comme... Moi, j'ai vu des films, l'accident d'avion. L'accident d'avion, oui. Dans la montagne. Oui, ils se sont mangés dans les la montagne. Les jeunes athlètes, là. Oui, il y avait des athlètes là-dedans. Oui, oui, je l'ai vu, ce film-là. C'est ça. Mais je ne sais pas si c'est inspiré. C'est oui, c'est inspiré. Du, oui, c'est ça. Mais ça, c'est une autre affaire. Oui, oui, ça, oui. Ça, oui. C'est au 20e siècle. Ah oui, oui, ça s'est passé. Ça s'est passé dans les années 60. Les années 60, 70, là. Je ne sais plus. Oui, oui, B4 qui a mangé C1. Puis, oh mon Dieu. Oui. Je ne t'ai pas donné le titre. Ça s'appelle Ma grand-mère cannibale. OK. Hey, c'est extraordinaire. Mais c'est un... Avec ça... Mais ça a l'air niaiseux. Ma grand-mère cannibale. Non, c'est pas on niaiseux. On dirait que c'est pas sérieux, mais tu sais que celle qui l'a écrit s'appelle France Beckett. Elle, c'est une Française dont l'arrière-grand-mère était américaine. Tu vois, elle dit de mère française de père américain. Elle étudie l'anglais à la Sorbonne, puis l'enseigne. Fait que c'est sa grand-mère. Elle raconte l'histoire alors, de sa grand-mère. C'est elle qui a écrit, oui, Ma grand-mère cannibale. Mais en fait, il n'y avait pas que sa grand-mère. Il y avait ses enfants aussi qui ont mangé le père. Et elle dit, moi, je ne survivrai pas, c'est trop difficile, alors laissez-moi mourir et mangez-moi. Oui, mangez-moi, c'est le titre du chapitre. Alors, oui. En cette veille de Noël. Oui, elle a vraiment... Elle a sorti du punch. Non, mais elle s'est dit, moi, je veux que tout le monde puisse connaître cette histoire, alors je vais rendre ça le plus basique possible. En cette veille de Noël, la troupe sacrifiée subit une terrible tempête. Voilà 4 jours qu'ils ont laissé Charles Stanton derrière eux. Ce soir... C'est Antonio, le jeune bouvier mexicain de 23 ans, qui va mourir. Franklin, Franklin, c'est le mari. Franklin est épuisé, décharné. Il sent la mort venir et appelle Sarah et Marianne, ses deux filles, près de lui. Dans un murmure, il leur dit « Mes filles, écoutez-moi. Défendez vos vies, sauvez les prisonniers du camp, à n'importe quel prix. N'ayez aucune crainte de péché. Devant le Dieu de miséricorde, je vous en conjure, survivez. Pensez à vos frères, à vos sœurs, à votre pauvre mère. » Les filles ne disent rien, paralysées par l'émotion. Le père leur a saisi le bras et s'y agrippe comme un noyé. Il étouffe. Dans une quinte de toux, il se redresse soudain, se débat, puis retombe, livide, cherchant son souffle. Et dans un dernier râle, chuchote. Mangez-moi. Mangez-moi. Hey, ça n'a pas de sens. C'est-tu merveilleux, ça? C'est comme ça tout le long. Hey, le brise. Écoute, mais c'est. Et puis, mais là, attends, ils l'ont mangé. Ils l'ont mangé. Attends, ça dit un peu plus loin. La macabre boucherie commence. Dans une demi-torpeur, on déshabille les cadavres. Ils sont sales. Ils ne se sont pas lavés depuis longtemps. Bien, oui, il y a ça, par exemple. Il faut les frotter dans la neige. Ah oui, c'est de la. Ouais. Les bouchers improvisés ont des haut-le-cœur et des nausées. Bien, je comprends. C'est comme de la grosse venaison. Cette tâche est horrible, épouvantable. Ils ne sont plus que des bêtes affamées. C'est ça. Les couteaux coupent mal, les forces manquent. Des lanières de chair sont découpées, ou plutôt déchirées dans le dos, les bras et les jambes de Patrick Dolan. Ah oui. Ses parents avec Xavier. Et placés à griller sur les braises. William Eddie, Louis et Salvador, les deux Indiens chrétiens envoyés par Sutter, refusent d'en manger. Ah oui. La lune se lève. Sarah revivra tout au long de sa vie cette scène à chaque clair de lune. Le muet Murphy, son petit frère, qui n'a que 12 ans, se blottit contre elle. Elle tente de lui faire manger un peu de viande, mais ne pourra le sauver. Il délire pendant des heures avant de mourir, lui aussi. Les trois jours suivants sont consacrés à détacher les morceaux de chair, les corps gelés de Patrick, de Franklin, d'Antonio et du petit Lemuel. Ils les font sécher devant le feu. Ces provisions contre nature les nourriront dans les jours à venir, une fois qu'ils auront repris leur marche. C'est ça. Tu sais, quand il faut ce qu'il faut à un moment donné. Une règle a été dictée, on ne mangera pas un membre de sa famille. Ben là, les deux. Ben c'est ça que je comprends pas. On ne saura jamais si cette consigne a été respectée. Ben non. Non, ben. Et cela semble peu probable, car ils ont trop peu de corps à manger. Il y en a trop peu. C'est ça, à un moment donné, je dis, tu penses qu'il y a, là? Ils prennent le repas en pleurant et en évitant de se regarder. Ah. Ils se disent qu'ils ne mangent pas de la chair humaine, mais seulement de la vie. Ouais. Sarah Foster remarquant un cœur en train de rôtir, embroché sur une baguette, ne peut s'empêcher de l'associer à son petit frère. Oui. Non, c'est sûr. Il se met à hurler. Ben oui, c'est dramatique. Mais c'est pas parce qu'on a envie de rire que. Mais c'est drôle de faire un livre là-dessus. Ben, c'est le titre qui est extraordinaire. Ma grand-mère cannibale. Ma grand-mère cannibale. Et Mangez-moi. Avec la photo qui. Oui, puis le titre du Mangez-moi. Oui. Puis dans un dernier râle, entre deux quintes de tout. Ben oui, Mangez-moi. Ouais, c'est. Faut filer pour ça. Hein. Ben oui, tu sais. Il croyait partir pour un voyage de 4 mois. Leur audition dura 11. Ben, c'est long à se manger, là. C'est un monde à découvrir. C'est tout un monde à regarder. C'est une chip. C'est figeant. Secoué d'un profond sentiment chrétien et faisant fi de la suffocante chaleur, Marc et Anne sortent de la maison. Avec des chapeaux de lutin et un seau, ils se lancent dans une guignolée éclair. Ah, oh, mon Dieu, c'est Seigneur! Des cloches de Noël. On est à Paris, c'est la guignolée des médias. Mais c'est rare, voyons. Mon Dieu, mais voyons, c'est, ils sonnent le glas ou oui, ils sonnent le glas. Ils sonnent le glas. Noël. Ben, c'est le glas de Noël. Dans les cloches, ça le sonne. On peut commencer ici. Oh, ben, ça, regarde-moi, je suis pas gêné. Monsieur, oh, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Yes, hello. Vous parlez français? Je parle pas beaucoup. Ça, anglais, c'était facile pour moi d'expliquer quelque chose. OK, ben moi, je veux... C'est la grande guignolée des médias. Et puis, on voulait savoir si vous voulez donner quelque chose à la maison, à la fondation du Dr. Julien. Pour Noël. Demandez quelqu'un. Merci beaucoup. Moi, je suis pour que les gens soient libres. C'est détestable, ceux qui ne veulent pas donner. J'aime pas ça, moi. Il y a ça. Mais en même temps, ils sont libres. Je n'aimerais pas pour leur dire. Hein. Non. Mais en théorie, ils sont libres. Oui. Oui. Tout le monde est libre. Hein. Il fait chaud avec la tuque de Noël, on dira ce qu'on veut. Je comprends pourquoi ils font ça l'hiver. Bon. Ah, oh, ça, elle a l'air sympathique, on va y aller. Dame. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, elle a l'air contente quand on approche. Elle a l'air vraiment... Bonjour. Est-ce qu'on peut vous parler? Bonjour. Bonjour. Oui, Oui, bonjour. Bonjour, madame. C'est la grande guignolée des médias. Est-ce que vous voulez donner à la fondation du docteur Julien? C'est très gentil. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Oh, vous êtes trop gentil. Vous êtes vraiment trop gentil. Merci, on sort, on va se faire écraser. Oh, merci, mon Dieu. Bye-bye. On est ça y est, oh. Ça y est, là, on y est. Oh, hey, mon Dieu. Hey, oh, merci, c'est trop gentil. Bon samaritain. Ça, c'est toujours de la don. Combien qu'elle a donné? On a 2,30 $. Elle est gentille, hein, puis elle était pas... Non, elle était pas contente, là, mais... Parce qu'elle savait pas ce qui se passait. Il y a pas de mauvais moment pour donner. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, bonne journée. Bonne journée. Ah, excusez-nous, on vous a fait manquer votre lumière. Ça, c'est dommage. On peut vous escorter, si oui, vous voulez. Oui, on peut vous donner. Ah, bon, ma... On est rendu à combien? Je pense qu'on a nos chapeaux. On a 6 $ 6 $ et 30 sous, quand même, c'est pas rien. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est la guignolée des médias, aujourd'hui. Ah, oh, je suis tellement plate, tiens. Mais non! Mais voyons! Une carte de crédit, c'est pas possible. C'est vraiment juste ça. C'est pas ton nez. Mais bye, oui. Bonne chance avec Visa Desjardins. Noël, c'est aussi un temps de l'année où l'on aime revoir toujours et toujours les mêmes films. Mon petit Marc, hey! Toi, t'es comme moi. T'aimes ça, hein, ce film-là, Love Actually? Ben, c'est un... Ben oui. Moi, c'est mon film de Noël préféré. Ah oui, toi aussi. Nous autres aussi, on regarde ça assez régulièrement. Je me suis acheté la bande... Pleures-tu? Ben, un petit peu. Là, tu pleures encore? Ben, oui. La dernière, la course à l'aéroport? Oh oui! Ouais. Oh oui, quand il retrouve son petit ami. Mais c'est... moi, quand... oh oui, puis quand il joue de la batterie aussi, puis tu sais, elle chante, puis elle pointe tout le monde au lieu de juste pointer lui, puis il est malheureux. C'est Beyoncé, ça. Hein? Puis non, c'est pas Beyoncé. C'est Beyoncé jeune? Non. Mais bon, pour revenir à Love ce film... Oui, Love Actually. Mon Dieu, tu parles bien anglais. Love Actually. I have a British accent that I can... Love Actually. No, actually. It's better not. Oh, mais... Il y a d'autres chansons qui te ressemblent, que j'aimerais donc ça, que tu chantes comme ça, là. Pouf. De même improviser, que j'ai rien devant moi. Ben, rien devant toi. Il y a des musiciens qui passent dans la rue. Christmas is all around. Quand tu veux. Ben, fais ça tout seul, par exemple. Okay. Moi, je suis pas là. M'en va. Je vais t'écouter. Mais la famille est là. La famille Von Trapp? Oui. Oui, ils sont avec nous, ben, ils sont restés. Oh, allô les enfants! C'est magnifique, ça. Hey, quand vous voulez, moi, ça, c'est la fête. Oh, je vais t'écouter. Ah, ben, c'est aussi. Ça. Ah, ben, merci. Okay. Quand tu veux. Fingers, I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. So the feeling grows. It's written in the wind, it's everywhere I go. So if you really love Christmas, come on and let it show. You know I love Christmas, I always will. My mind's made up the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on Christmas, you can be. Your presents to me, and I give mine to you. I give mine to you. I need Santa beside me in everything I do. You know I love Christmas, I always will. My mind's made up the way. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on Christmas, you can depend. Vas-y, mon Marco. Je suis avec toi. C'est le plus beau Noël de ma vie. Avec Marc Labrèche et Anne Dorval sur ICI Radio-Canada Première. It's written in the wind. It's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. Come on and let it show. if you really love me. Come on and let it, if you really love me. Come on and let it, now if you really love me. Come on and let it show. Come on and let it show. Tellement le fun, mais j'en reviens pas encore, le cochon qui pleure comme une dingue. Tu chantes si bien, Marc. Change pas de sujet. Merci. Non, mais je voulais juste retourner. J'adore la victuaille. J'adore ta voix. J'adore ta victuaille. Ferme ta gueule. Noël ne serait pas Noël sans la véritable famille. Alice, la fille d'Anne, et Léane, la fille de Marc, débarque dans ce réveillon improvisé. Qui dit party de Noël, dit joie, jeu, souvenirs, rire et petite chicane. Mais vous êtes tellement fine d'être ici pour vrai parce oui, que... Oui, pour fêter la Noël. Ben, tiens, Noël improvisé d'été. Ben oui, ben, c'est comme ça. C'est comme un Noël... Mais on c'est est fou pas... nous, on ouais, peut-tu? On a, ben, oui. on des fois, on, s'en... t'sais, on s'ennuie. C'est ce qu'on se disait tantôt. Ah, non, oui. on se fait chier. Oui, oui, oui, oui. Fait que c'est le fun de se retrouver avec des gens qu'on aime. Mais c'est quoi le plus beau cadeau que vous avez reçu, pour vrai? C'est quoi le plus beau cadeau qu'on vous a donné? Ouais, le plus cool. Le plus... L'affaire la plus fun là, qu'on vous a fait plaisir de. Là. Oh, la moi, vie. Ça a failli. Oui, ça, c'est vrai que ça, c'est... Ouais, ça, c'est majeur. La vie. Là, mais la vie. Oui, c'est ça. Okay. Dans... Non, mais dans les affaires qui s'emballent puis qui se déballent, mettons. Ouais. Moi, mon cadeau le plus incroyable... Ça a été un livre d'Harry Potter, le cinquième tome qui sortait. Oh. C'est que j'ai reçu un cadeau qui ressemblait vraiment à un gros livre et je l'ouvre et c'est quelque chose de complètement différent, genre les Chroniques de Narnia. Et là, je viens les yeux pleins d'eau. Oh non! Je fais, non, ça me fait plaisir. Merci, merci, merci. Mes parents sont tristes puis je suis tellement malheureuse. Ouf, tu chies là. Mais c'est bon, mais c'est pas ça que je voulais. Et là, ils sortent, ils font, mais allez, c'est autre chose. Et c'était le cinquième Harry Potter. Alors, vous avez fait du théâtre. Est-ce que tu veux, on est belle hypocrite? Là, là, là, là. Oh, on est des joyeux de rire. Ça, là. Là, t'as pleuré du sang. Oh, mon Dieu, je pense que c'est le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau. C'est-tu magnifique? En plus que ça suit une grande déception, on dirait que c'est deux fois vraiment. Plus fun. Vraiment, vraiment. Toi, c'est quoi, Léa? Toi, t'as l'âme russe, Léa. Moi? T'as vraiment l'âme slave. Oui, moi, je suis très, très slave. Ouais, faut j'adore que le céleri rave, j'adore les patates. Le topinambou. Mais moi, pour vrai, je pense que ce qui m'a fait le plus plaisir sur le coup, parce qu'après ça, on y revient des années plus tard, puis on se dit que c'est très, très banal, mais c'était la Barbie de collection de Titanic. Rose Jewett Buchiter dans Titanic, elle avait sa robe, la robe, magnifique robe, quand elle essaie de se suicider au début du film, comme on la voit pas. Oui, avec la petite voilette, puis là, son soulier de satin glisse sa voilette, puis c'est ça qui fait qu'elle tombe. Puis Jack, il dit, c'est très, très froid, c'est comme des couteaux. Puis là, finalement, elle remonte. Mais ça, j'avais eu. Puis elle était très, très, très, très belle, cette Barbie-là. Puis évidemment, j'ai jamais joué avec, je l'ai pas touchée, je l'ai laissée sur sa petite tablette dans ma chambre, derrière la porte, tu sais, on la voyait même dans pas. Dans la boîte? Porte, non, j'ai non, sorti de la boîte, mais. Mais je l'ai laissé sur son espèce de pied qui attenait... Oui, le fameux pied. Oui, un pied en plastique. Puis c'est écrit Rose Jewett Buchiter. Et là, là, c'est pas moi qui aurais demandé ça. Non, toi, t'es pas très Barbie. Moi, je demandais des... Mais je savais même pas qu'il y a... Oui, des dinosaures. J'ai eu une phase Barbie de collection, mais ça a pas duré longtemps. Après ça, je leur coupais les cheveux, puis j'étais bien wild, puis je leur faisais du linge. Fait qu'évidemment que la Barbie de collection était... Ouais, pas mal, ouais. Ah oui, elle était devenue... Oui, non, mais c'est sûr. C'est cher payé pour... Ben, non, mais ça, on peut-tu? Tu sais, moi, j'offrais des Playmobil aux enfants quand ils étaient petits. Puis Alice, ça, c'est des beaux cadeaux. Mais ça, ça n'avait aucun sens. Tu prenais les chapeaux, tu faisais des assiettes. Il n'y avait plus rien qui marchait. La maison, puis le marché. Puis ben oui, mais il y avait des petites fleurs. Il y avait des belles petites boîtes à fleurs. Elle pognait ça, puis ça devenait du pudding, du porridge. Ça devenait... Elle changeait tout. Faites-vous les décorations de Noël ensemble chez vous? Est-ce que c'est toi qui fais ça? Moi, j'aime assez ça, faire le sapin. Si on fait les décorations ensemble. Oui, genre, est-ce que tu décores le sapin avec ta mère et... Et avec ton frère. Je les invite toujours à faire. On est toujours invités. Le problème, c'est qu'on pose deux boules, puis elle nous tape les mains. Ben voyons. On n'a plus le droit de rien toucher. Ben voyons. Parce que, en fait, c'est ça le truc, Marc. C'est que lorsque tu places une boule, il faut qu'elle soit placée à une distance impeccable de l'ampoule. Sinon, ça ne donne pas l'effet. Ben, l'effet évidemment, voulu. Mais. C'est qu'après, tu peux pas mettre deux boules n'importe. Il faut que ça soit par couleur complémentaire. Il faut que ça fitte. Oui. Parce que. Ben oui, mais c'est pas un sapin d'enfant. J'essaie de vous donner un cours. Parce que des sapins, bon, ça a l'air niaiseux à décorer, mais ça ne se décore pas comme ça en 10 minutes. Il faut prendre le temps de mettre les lumières à bonne place. C'est juste moi, dans le fond. Que la décoration c'est très bien. bien. Sapin, c'était un moment familial où. Ben oh, oui, mais ça t'a jamais intéressé. Fais pas semblant que ça t'intéressait, Alice. T'as toujours haï ça. Bon, ça finit toujours en claquage de porte. Ça finit. Ben, ça finit. Oui, mais veux-tu dire où est-ce que t'as acheté tes boules? Parce que ça pourrait être. Oh, mes belles boules. Mais c'est sûr que t'as des belles boules. Où est-ce que vous achetez vos boules? Où est-ce que t'as acheté tes boules, Alice, si je peux me permettre? Oh, mais c'est pas mes boules. C'est les boules de ta mère. C'est qu'on pourrait jamais oser dire que c'est mes boules. Non, non, mais c'est les boules. Mettons que. Où je viens d'échapper les miennes. Où est-ce que t'as. Qui a acheté quoi dans les boules de ta maman? Alors, nous, on a un sapin de musée. Et oui. Je niaise pas parce que les boules ont été achetées dans un musée. Okay. Chaque boule est une œuvre d'art. Ben oui, ça a donné de doit même. Faire ben oui, refléter la lumière. Et donc, mon frère et moi, de 17 ans, on n'a pas l'âge requis pour poser des boules dans un sapin. Menteuse. Parce que c'est vraiment... Non, menteuse! Ça ne t'intéresse pas. Drôle, mais ça m'aide... Ah, c'est bizarre. Hein, Louis, il reste avec moi. Il reste avec moi. Oui, mais là, vous avez depuis trois ans où toutes les décorations se ramassaient dans le bas du sapin et des affaires en plastique parce qu'il n'était pas capable d'aller plus loin. Juste pour alléger l'atmosphère, est-ce que vous placez une crèche? Est-ce qu'il y a des maisons ou un train qui... est-ce que vous avez ça? On a une crèche. Vous avez une crèche? Une crèche Playmobil? Oh, mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est toi qui as fait? C'est mon frère et moi, mais c'est souvent que, bon, le petit Jésus se retrouve sur l'âne. Ah, ben oui, c'est ça, mais il faut varier d'une année à l'autre. Puis, bon, c'est un peu funky. Hey, on joue-tu à un jeu? Oh, ça, j'adore les jeux! Je vous distribue une feuille chacun. OK. Et puis, avec un crayon, chacune. Tu sors ça d'autre? Un peu un brin, une larme. Oh, merci! Bon. Non. Bonne affaire de fête, ça. Ça, c'est le fun. Merci beaucoup. Ça, c'est une belle soirée. Là, c'est juste d'écrire. J'aimerais ça que vous écriviez, par ordre de préférence, vos trois animaux préférés. Oh. Commencez par ça. Celui que vous aimez le plus en premier, celui que vous aimez le plus moins en deuxième, puis celui que vous aimez le plus moins en deuxième. Troisième. Oh! Enfin, un peu de silence. Qu'est-ce que j'aime? J'aime tous les animaux. Moi, c'est difficile. Hein? Oh, mais faut pas... trop réfléchir, je pense, ma belle âme. Il faut que tu y ailles vraiment comme instinctivement. Plus c'est organique, meilleur ça. Nos trois préférés. Oui, vos trois préférés par ordre de préférence. Et après, quand vous aurez trouvé ces trois animaux-là, j'aimerais que vous trouviez les trois qualités qui vous viennent en tête pour chacun des animaux. Les trois qualificatifs. Peu importe, c'est pas nécessairement une qualité. Ça peut être un défaut. Ça peut être un trait de caractère. Ça peut être... Enfin, un peu de silence. J'ai mal écouté... OK. Alors, tu t'écris tes trois animaux préférés par ordre de préférence. Mais ça n'a pas rapport avec les animaux, les traits de caractère. Oui. Il faut que si tu dis, par exemple, tu choisis le lion parce qu'il est majestueux, parce qu'il est rapide et protecteur. Je dis n'importe quoi. Bon. Moi, j'ai tout écrit. Moi, j'ai tout fait. Là, OK, parfait. Attends, il m'en manque un. Ah, mais réfléchis pas trop, ma belle Alice. Vas-y, spontanément. Il ne faut pas que ça soit trop... Faut que ça devienne spontanément. Ah, OK. Bon, parce que c'est un test psychologique. Et si on réfléchit trop, ça brise un petit peu le schéma cérébral est ébranlé, puis ça n'a plus à rien. On a-tu fini nos animaux, puis nos qualificatifs? Oui, quand même. OK, alors, j'aimrais que... En fait... comment toi, tu n'as rien écrit, Marc. Ben non, parce que moi, je connais les... Ben oui, je sais bien. Alors, le premier animal, c'est ce que vous êtes. Alors, si je vais dire ce que vous êtes... Ben, pas nécessairement l'animal, tellement que les qualificatifs. Mais on veut savoir l'animal. Girafe. Oui. Long cils, grand jambe. Ben j'ai pas de cils, puis j'ai pas de jambe. Mon Dieu, j'ai un cul de jatte, puis j'ai la face plate. Non, c'est pas vrai. Mais c'est très révélateur, quand même. Ouais. C'est très beau. Toi, Alice? Moi, c'est un iguane. OK. Et qui est agile, paresseux. Qui est agile, virgule, paresseux. Et aussi, est dans la chaleur. Ben oui, la peau sèche. Ben oui, c'est tout. Ben oui, mais c'est tout toi. Ben oui, c'est ça. Mais oui, des bonnes crèmes pour l'iguane. C'est sûr. Toi, ma belle Léane? Eh bien, moi, je suis un zèbre. OK. Parce que je suis exotique. OK. Musclé. Et rock'n'roll. Oh! C'est tout. Ça te ressemble donc bien. Oui, il y a un petit... Je sais, un petit mohawk, ça a l'air. Les herbes, je trouve ça cute au bout. Merveilleux. Pourquoi moi, je suis complètement à côté? Mais non, mais attends. Je me prends pour ces girafes. J'ai commenté à l'intérieur. Non, non, non, mais ça attend. Le deuxième animal, c'est ce que vous voudriez être. Alors là, on va peut-être être surpris. Toi, Anne? Un chien. Oh. Parce que c'est un enfant, le cœur sur la main, il est généreux. Ben, c'est tout toi, c'est parfait. Oui, mais c'est ce que je voudrais. Oui, mais ça veut dire ben que non, je suis une chienne finie, puis je non, c'est pas vrai. Je suis un monstre d'orgueil, je suis pas généreuse, puis je suis un vieillard. Non. Le cœur sur la main, mais non, pas de cœur du tout, pas de cœur, puis pas généreux. Ben non. Pas de main, pas de cœur, pas de jambes, pas de cils. Mais voyons, ça va bien. Ça va bien, belle animal. Joyeux Noël. Toi, Moi, j'écris le serpent, qui est discret, qui fait peur aux gens et qui est polyvalent. Oh, oui, t'aimes vraiment les reptiles. T'as tout resté dans les reptiles. Hein? Oui, c'est très bon. All the way. C'est que je suis allergique à tous les autres animaux. Fait que c'est sûr, j'ai développé très jeune sentiment d'appartenance aux amphibiens. Ça, c'est magnifique, ça. Toi, Léane? Bien, je voudrais être un singe. Oui. Car j'aimerais bien être agile. Hein? J'aimerais bien être drôle. Oui. Et j'aimerais surtout être fidèle, apparemment. Ah oui, c'est vrai. Ben, les bonobos, c'est pas fidèle. Non, non, mais je parle fidèle. On dirait que pour moi, c'est le singe, c'est Abou. Là. C'est le petit singe sur, sur l'épaule, sur l'épaule de son maître. Oui, oui, c'est vraiment sur le siècle. Il y a un petit chapeau puis une veste pas de manche. Oui, oui, exactement. C'est charmant. Et finalement, le troisième animal, c'est ce que vous êtes au lit. Alors. Oh boy! Un autre reptile pour Alice. OK. Moi, j'ai dit commencer avec toi? Un bébé chimpanzé. Oui, oui. OK. Parce qu'il est intelligent. Oui. Et sans gêne aucune. Ça n'a pas de sens. Magnifique, ça. J'adore ça. C'est magnifique, ça. Hey, moi, c'est le loup. Oui. Qui est en gang. Oui. Hey! Oh! OK. Hey, c'est un beau party, quand même. C'est le fun de la famille. Qui est rapide. Oui. Oui, oui, ben oui. Et... rusé comme un renard, j'imagine. C'est bien charmant, ça. C'est bien wise. C'est le seul qui n'était pas un reptile. C'est vraiment ce que... C'est vraiment... C'est vraiment... Too much information. Toi, ma belle Léane? Moi, je suis un cheval. Un cheval? Car je suis noble. Oui. Au lit, flamboyante. Oui. Au lit, et forte. Ah oui, ben oui, c'est parfait. C'est magnifique, hein? Ouais. Mais c'est tombé le fun, ce jeu-là. Ben oui, puis il est court, tu sais, il est court, il coûte rien. Une feuille de papier, un petit crayon, puis un peu d'imagination. Ben oui, ben c'est ça. Puis on apprend plus un peu sur les membres de notre famille. C'est charmant, puis ça ajoutait encore au charme de l'hiver. Pis, ben oui. T'es toi-même le charme de l'hiver. En fait, t'es le charme de toutes les saisons. Oh, t'es le charme de ma vie. T'es magnifique. Pourquoi tu me fais pas des compliments comme ça, moi? Je t'en fais souvent des compliments. Mon Dieu, je me sens mal à l'aise tout à coup. Je n'arrête pas de faire des compliments. Non, non, voyons, ma poète. Pourquoi tu dis ça, ma petite Alice? Non, mais moi, j'ai pas de charme, puis je suis pas au cœur. Mais j'arrête pas de dire que t'as du charme, voyons. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Hey, on s'est foutu une bouteille de vin. Faire l'amour en gang, cette petite Alice-là. Je comprends. On va en inviter plein des gens, des petits loups. Beaucoup, le point comme ça dans les airs. Moi, je peux se poser savoir ça. Je veux pas le savoir, moi. Voyons. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vraiment, merci. Merci beaucoup, les filles. Vous êtes bien formidables. C'était-tu correct? C'était parfait. C'était un de mes plus beaux Noëls. Jusqu'à présent. Sans aucun doute. Il y a eu de la foi de la Barbie de collection, puis maintenant. OK. J'avoue que ça, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. C'est magnifique. C'était le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. À la recherche, Thomas Leblanc. À la technique, Guy Charbonneau et Patrick Knoop. À la guitare, Joseph Marchand. À la basse, Guillaume Chartrain. Adjointe à la réalisation, Camille Parent. Un merci particulier à Sylvie Julien. Cette émission est signée Francis Legault. Pour écouter les plus beaux jours de la vie de Anne et Marc, rendez-vous à ici.radio-canada.ca/le plus beau jour.